Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce mardi 19 avril. La question de la chronologie est primordiale pour comprendre l'œuvre de Jérôme Bösch. C'est l'idée de notre tête chercheuse de la semaine, Frédéric Helsig, historien de l'art, professeur de l'art médiéval à l'université de Genève. Il est avec nous toute cette semaine, dans un instant, deuxième épisode de notre série « Dans l'atelier de Bösch ». Et puis en deuxième partie, littérature, je recevrai Claire Vassé qui sort chez Lattès son roman où elle parle de son intimité et du désir de se reconstruire après un deuil, titre de l'ouvrage « Où va le chagrin quand il s'en va ?» Dans l'atelier de Jérôme Bösch avec Frédéric Helsig. Bonjour Frédéric Helsig. Bonjour. Deuxième épisode aujourd'hui, le jardin des délices qui a été fait, enfin on le date cette fois-ci, c'est pas documenté, hein, contrairement au jugement dernier, on en parlait hier. Cette fois-ci il s'agit d'une œuvre de Jérôme Bösch non documentée. Tout à fait, c'est une œuvre effectivement qui est complètement conditionnée par le triptyque de Vienne dont nous avons parlé hier. Le triptyque du Jardin des Délices est conservé aujourd'hui au musée du Prado à Madrid. Oui. À Madrid. C'est une œuvre qui a alors alimenté une littérature extraordinaire, des exégètes durant tout le XXe siècle qui ont commencé à écrire à partir de la génération surréaliste en projetant à peu près tous leurs fantasmes sur cette œuvre qui a toujours été décontextualisée comme une œuvre hors du temps. Or, il faut véritablement la replacer dans la chronologie et cette chronologie nous est donnée grâce au triptyque de Vienne, dont on a dit qu'il se situait à partir de septembre 1504, et c'est précisément juste après qu'il faut situer ce triptyque. Alors, le Jardin des Délices, si vous connaissez l'œuvre, tout va bien. Si vous ne connaissez pas l'œuvre, vous pouvez bien sûr la retrouver à la page de l'émission Un autre jour est possible sur franceculture.fr. Mais je vous propose d'écouter la description de notre tête chercheuse. Alors, il s'agit d'un triptyque de grande dimension, comme le jugement dernier de Vienne, qui représente au revers, à nouveau en grisaille, selon l'usage des revers de retable à la fin du Moyen-Âge, la création du monde sous une forme tout à fait extraordinaire, puisqu'on y découvre une sphère, la sphère terrestre, avec un paysage panoramique qui est totalement désertique, c'est-à-dire avant la création des animaux et de l'humanité. Pas de couleur, on est dans la grisaille cette fois. On est dans la grisaille, ce qui n'est pas du tout, on va dire, inhabituel pour un revers de retable, parce que même si ce triptyque n'a aucune fonction liturgique, c'est une œuvre privée à caractère totalement profane, Jérôme Bösch a utilisé le schéma, la structure d'un triptyque religieux dans lequel généralement le revers doit être en grisaille de manière à contraster avec les couleurs des scènes principales que l'on ouvre lors des jours de fête. Et donc, il a repris ce schéma, d'où la grisaille, pour le revers, la représentation de la création du monde par le créateur que l'on trouve dans l'angle supérieur gauche, tout petit, en train de créer cette extraordinaire sphère transparente. Lorsqu'on ouvre le triptyque, on découvre exactement le contrepoint du jugement dernier de Vienne. Alors que celui-ci montrait le volet gauche réservé au paradis, les deux autres à l'enfer, ici c'est le paradis qui occupe deux panneaux, le volet gauche et le panneau central, alors que l'enfer n'occupe que le volet droit. Mais c'est une représentation paradisiaque tout à fait étrange, parce que dans le volet gauche manque une scène absolument essentielle qui est le péché originel qui se trouve dans toutes les représentations du paradis perdu. Ici, Jérôme Bosch ne montre que le mariage d'Adam et Ève, le moment où le Seigneur dit « croissez et multipliez », ce qui n'a jamais été perçu pratiquement jusqu'à la fin des années 1980, puisque tous les exégètes ont toujours considéré qu'il s'agissait simplement de l'Éden et ont fait toutes sortes d'interprétations fondées sur ce constat. Il faut attendre l'interprétation de Jean Wirth à la fin des années 1980 qui met le doigt sur le fait que, en réalité, ce triptyque ne montre pas une scène habituelle, mais une utopie. C'est-à-dire une question que débattaient les théologiens de l'époque de Bosch, à savoir comment serait l'humanité si celle-ci n'avait pas péché? Comment serait la terre si l'homme n'avait pas péché? La réponse des théologiens de l'époque de Bosch est de dire « mais durant toute la journée, hommes et femmes, qui seraient forcément des jeunes hommes et des jeunes femmes, puisqu'il n'y aurait pas de vieillesse, ne feraient que s'adonner au plaisir de la chair, manger notamment. » Et parmi les questions subsidiaires que posent les théologiens, la question de savoir « mais si l'homme ne fait que manger, à quoi ressembleraient ces excréments ? » La réponse des théologiens est que les excréments ressembleraient à des roses, à des perles, et ainsi de suite. C'est-à-dire tous les détails que l'on trouve réellement dans le panneau central, qui est une illustration d'une question théologique où l'on voit le règne de la nature, c'est-à-dire d'un état d'innocence, d'une sorte d'âge d'or, qui contraste avec notre monde, c'est-à-dire le monde de Bosch, le présent de Bosch, où sont tous les objets fabriqués par la main de l'homme. Or, on constate que c'est dans le volet droit que se trouve précisément relégué tout ce qui a été fabriqué par la main de l'homme, notamment une harpe, des instruments de musique, des couteaux, et ainsi de suite, ce qui montre à nouveau que l'enfer n'est pas hypothétique chez Bosch, l'enfer, c'est le présent. La même idée que dans le jugement dernier de Vienne, mais en contrepoint de celui-ci, parce que le commanditaire est le bras droit du commanditaire du jugement dernier de Vienne, c'est Henri de Nassau, qui possédait également un palais à Bruxelles, qui faisait partie de la cour, qui, voyant le jugement dernier commandé par Philippe le Beau, veut commander un triptyque qui lui réponde. Et c'est le triptyque du Jardin des Délices. Mais pour parler encore un peu plus de la représentation du paradis, Frédéric Elsic, si on revenait dans cette section centrale, et s'il fallait décrire ces innombrables figures nues, parmi lesquelles quelques-unes sont noires. Oui, alors là, c'est un des éléments tout à fait remarquables. La présence, effectivement, d'hommes et de femmes de couleur noire. Remarquable parce que inédit remarquable pour l'époque ? Parce que tout à fait novateur. Pas totalement isolé, parce qu'il y a des représentations également d'hommes et de femmes de couleur noire au début du XVIe siècle, sensiblement plus tard, mais dans le même milieu de la cour bruxelloise, notamment chez le peintre hollandais Jan Mostart, il y a une sorte de curiosité pour le monde qui se reflète en quelque sorte dans ce panneau central du Jardin des Délices. Alors, à vous entendre, on a l'impression que toute cette analyse qui a duré longtemps, disant que Bosch était un moralisateur, cette analyse ne tient pas, parce qu'on a l'impression qu'il s'éloigne au contraire de ce côté moralisateur. Absolument. Et là aussi, la contextualisation est fondamentale. C'est-à-dire que tant que le triptyque flottait dans le temps et dans la géographie, qu'on ne savait pas exactement qui l'avait commandé, on pouvait absolument projeter toutes les théories les plus fantaisistes. Et croyez-moi, il y en a eu beaucoup, des théories astrologiques, alchimiques et ainsi de suite, pour expliquer ce qui paraissait complètement incongru et singulier. Alors même que lorsque l'on replace le triptyque dans le milieu de la cour habsbourgeoise et que l'on considère la personnalité du commanditaire, à savoir Henri de Nassau, cela devient beaucoup plus pertinent dans la mesure où on sait que ce Henri de Nassau était un bon vivant. Il possédait dans sa chambre à coucher un lit à 30 places pour les soirées bien arrosées, nous dit Albert Dürer dans son journal des Pays-Bas en 1521. Donc apparemment un homme à la fois bon vivant mais également de goût. Il possédait une collection importante dans laquelle se trouvait non seulement le triptyque de Jérôme Bosch, peintre particulièrement apprécié par la cour, mais également d'autres peintres prisés comme par exemple Jan Gossart, qui est un peintre hollandais mais totalement italianisant, en quelque sorte aux antipodes de Jérôme Bosch. Un homme très cultivé qui a dû d'ailleurs souffler à Jérôme Bosch le sujet du triptyque, parce que Henri de Nassau avait une immense culture, et c'est probablement ses lectures et l'intimité, la familiarité qu'il devait avoir avec le peintre qui ont dû conditionner l'iconographie. Alors il y a un détail qui pourrait justement attester de cette familiarité du peintre avec le commanditaire, c'est que dans le volet droit, dans l'enfer, se trouve un monstre pour le moins curieux, une sorte d'homme-arbre dont le tronc est constitué par une cavité dans laquelle se fait une cuisine infernale et dont la tête nous regarde fixement avec un visage très caractérisé qui pourrait être un autoportrait de Jérôme Bosch. Or, sur sa tête se trouvent plusieurs objets et figures. C'est une convention à son époque, un petit peu comme les bédéistes aujourd'hui qui représentent les pensées des figures par des bulles. À l'époque de Bosch, il suffisait de représenter les objets des pensées sur la tête. Or, sur la tête de Jérôme Bosch se trouve une cornemuse et différentes figures qui évoquent la luxure, notamment une prostituée avec une grande coiffe, ce qui montre que Jérôme Bosch s'est représenté de manière humoristique comme un obsédé sexuel et en même temps, par sa présence, montre qu'il était véritablement dans l'intimité parmi les familiers de son commanditaire Henri de Nassau. Alors, que raconte une œuvre aujourd'hui? Que raconte une œuvre de Jérôme Bosch? Plutôt l'histoire de son commanditaire ou plutôt l'histoire artistique du peintre? Non, je pense que ce qui véritablement est la plus grande force de Jérôme Bosch et que l'on a déjà rencontré avec le Jugement dernier de Vienne est que en transgressant les schémas traditionnels, en créant des sujets nouveaux, et le Jardin des Délices est un sujet absolument inédit, singulier et qui correspond au goût pour l'originalité que nourrit la cour. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, Frédéric Alcy? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est à partir d'une commande, c'est l'inspiration du peintre qui a été exécutée et pas le contraire? Peut-être que le commanditaire voulait absolument une représentation et que le maître n'est devenu qu'exécutant de cette demande. Je pense que c'est plutôt, on va dire, à la fois une concertation, c'est-à-dire, je disais il y a un instant que Henri de Nassau avait une culture énorme et qu'il a dû jouer un rôle dans la genèse de cette iconographie. Mais nous avons vu également hier, avec le jugement dernier de Vienne, que Jérôme Bosch avait tout à coup créé une peinture à la première personne, c'est-à-dire exprimer sa propre conception du monde et des fins dernières. Or, c'est la même conception pessimiste que pouvait partager son commanditaire Henri de Nassau. Après tout, ils sont suffisamment proches pour partager une même conception que l'on trouve dans cette utopie paradisiaque et dans cette insistance sur le fait que l'enfer est déjà ici et maintenant. C'est une œuvre de Jérôme Bosch ou c'est une œuvre de l'atelier Bosch ? Pour moi, c'est une œuvre absolument d'une seule main, celle de Jérôme Bosch. Et c'est même si ce n'est pas documenté. Même si ça n'est pas documenté, alors là, on touche naturellement à l'une des notions fondamentales en histoire de l'art, hein, qui est celle de l'attribution, qui déroute beaucoup hors du milieu de l'histoire de l'art, parce que elle est associée à une notion de subjectivité. En réalité, l'attribution est l'outil principal de l'historien de l'art, et en particulier de l'historien de l'art médiéval, qui n'a pas beaucoup d'œuvres signées et documentées à disposition et qui reconstitue des personnalités parfois anonymes dans l'attente d'une œuvre documentée qui permette d'identifier une personnalité. Si l'on compare notamment le volet droit du Jardin des Délices du Prado avec les deux volets de l'Enfer du Jugement dernier de Vienne, vous retrouverez non seulement la même invention monstrueuse, la même manière de créer des hybrides qui sont d'ailleurs souvent superposables, mais également une même exécution. Des photographies de détails que vous pouvez comparer de l'un et de l'autre vous permettront de vérifier qu'il s'agit d'un même type de dessin, extrêmement net, très concis, avec une manière de colorer et un choix de couleur qui est presque identique dans les deux cas et qui montre bien qu'il s'agit de la même main que l'auteur du Jugement dernier de Vienne, c'est-à-dire d'une œuvre documentée de Jérôme Bosch. Le Jardin des Délices, donc à votre disposition, si vous n'avez pas en tête le triptyque, à votre disposition sur franceculture.fr à la page de l'émission Un autre jour est possible. Merci beaucoup Frédéric Helsing, on se retrouve demain à la même heure pour la Merci suite à vous. De notre série dans l'atelier de Jérôme Bosch. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Où va le chagrin quand il s'en va ? C'est le titre du dernier roman de mon invité, Claire Vassé, édité chez Lattès. Bonjour Claire Vassé. Bonjour Toufik Hakem. Dans une autre vie, vous animiez sur France Culture une émission de cinéma, le cinéma l'après-midi, où les nouveaux films en salle de la semaine étaient décortiqués non pas par des critiques, comme cela se fait habituellement, mais par des cinéastes. Et si je rappelle ce détail, c'est qu'il a son importance. Votre histoire d'amour avec un réalisateur français de renommée, Claude Miller, pour le nommer justement, rencontré lors des émissions que vous produisiez à l'époque, a déjà fait l'objet d'un roman. De là où tu es, édité par Stock, avec la complicité du regretté Jean-Marc Roberts. De là où tu es, était une lettre à Claude Miller, avec qui vous avez eu un enfant juste avant sa mort. Votre dernier roman, Où va le chagrin quand il s'en va, publié donc chez Lattès, prolonge à sa manière le thème du deuil et des difficultés de la reconstruction. La protagoniste, Solange, a perdu Lenny, l'homme qu'elle aimait et le père de sa fille. Mais depuis, elle refait sa vie avec Paul, mais le fantôme du disparu est encore présent. C'est bien ça le sujet de votre livre. Oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est à la fois le prolongement et en même temps une rupture avec l'autre roman, un prolongement dans les thèmes, comme vous l'avez très bien résumé. Et par contre, la rupture, c'est de revenir à la fiction. C'est-à-dire que c'était la première fois dans De là où tu es que c'était très autobiographique. Et ça m'avait beaucoup plu. Il y avait une intensité. Et puis, de toute façon, j'avais pas le choix. Fallait que j'écrive ce livre. Mais, pour moi, la fiction est tellement importante, enfin, déjà en tant que lectrice, que j'étais trop triste de me dire que j'arriverais plus à retourner vers la fiction. Et donc, pour moi, c'était vraiment une gageure d'y arriver, de garder l'intensité de l'autofiction en revenant à la fiction. Et la fiction, c'est bien sûr les personnages, mais c'est aussi cet amour fantomatique qui est très présent et à un certain moment même obsédant. Oui, mais ça, les fantômes, je crois que c'est une obsession chez moi, même avant d'avoir connu ce deuil central dans ma vie. C'est toujours été une thématique, et puis je pense que c'est à la fois une thématique sans doute qui me correspond au niveau existentiel, j'ai envie de dire, mais sans doute aussi au niveau littéraire et au niveau artistique. Je trouve ça toujours très passionnant, et puis je trouve vraiment pour le coup que l'art, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'explorer justement les frontières poreuses entre la vie, la mort, le présent, le passé. Je pense que l'art c'est aussi pour ça qu'on écrit, c'est aussi pour ça qu'on lit, qu'on va au cinéma, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Et c'est un roman contemporain, même si vous n'insistez pas là-dessus, parce que ça reste une fable qui défie les temps, et pourtant, en lisant votre livre, en lisant, en voyant surtout la structure de comment cet amour revient vous hanter le personnage de votre roman, comment ne pas penser à tous ces amis disparus, mais qui restent présents via les réseaux sociaux, quand soudain Facebook, pour ne citer qu'un exemple, vient nous rappeler que c'est l'anniversaire de tel ami qu'on a perdu il y a déjà quelque temps. Il y a aussi un peu de ça. Est-ce que, avec les nouvelles technologies, les téléphones, les ordinateurs, est-ce qu'il n'y a pas une tentation de rester toujours lié à ceux qui sont partis ? Oui, sans doute. Et puis il y a le côté aussi, parce que le point de départ du livre que je voulais justement très très universel, c'est que ça pourrait arriver à n'importe qui. C'est que on a tous, quand on perd quelqu'un, on a son numéro avec son nom dans son téléphone. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour on va avoir cette fameuse ce fameux geste de ou pas supprimer le numéro. Voilà, on voit le contact, on sait que la personne est morte, est-ce qu'on supprime ou pas ? Il y a ce mot affreux, supprimer. Et souvent, souvent on n'a peut-être pas le courage ou l'envie de le faire. Et donc c'est pour ça que la protagoniste qui n'a pas supprimé le nom de son amour mort dans son téléphone, qu'est-ce qu'on fait le jour où le téléphone sonne et que c'est ce nom-là qui apparaît ? Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté de jouer avec les technologies contemporaines et que vraiment que ça peut arriver à tout le monde. Le cinéma est très présent dans votre vie, mais aussi dans ce roman, Claire Vassé, et la radio aussi, puisque vous êtes passé par la radio. D'ailleurs, le titre de votre roman, « Où va le chagrin quand il s'en va ?», c'est une phrase entendue à la radio. C'est une chanteuse qui est interviewée à la radio, et la protagoniste, elle écoute juste cette phrase, elle voudrait aller plus loin parce que cette phrase l'accroche. Oui, et alors ça, pour le coup, c'est vrai. Sauf que c'est pas une chanteuse, je pense même que c'est pas dans le roman. Je pense que c'est vous qui avez fantasmé la chanteuse. Peut-être, hein. Je ne suis pas sûre, en fait. Enfin, bref. À la radio, une chanteuse. Que sa fille... Je ne savais plus que j'avais dit une chanteuse, parce que je ne sais plus, parce que pour le coup, ça, c'est vrai. Un matin, j'écoutais la radio et j'ai entendu une... Alors, je ne sais plus si c'était une chanteuse, une... Je ne suis pas arrivée à retrouver. Qui disait que, sa petite fille, le matin, lui avait dit « Mais maman, où va le chagrin quand il s'en va ?» Et j'ai trouvé que cette phrase, mais restée. Alors, je ne savais pas qu'elle allait être le titre d'un roman. Mais en tout cas, ça a été quelque chose où je me suis dit... c'est comme beaucoup de questions d'enfants. Elles sont à la fois d'une naïveté et en même temps d'une justesse implacable. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a fait tilt. Et puis bien sûr, le cinéma toujours présent dans votre œuvre. I've never had a life of my own. Where can you go? The seaside, I think. You've been alone so much of your life. Mommy! What did you say? This house, Gold Cottage. Exactly the sort of place I'm looking for. You may stay. I make a bargain with you. Leave my bedroom as it is, and I promise not to go into any other room in the house. But if you keep the best bedroom, where should I sleep? In the best bedroom. Vous avez bien sûr reconnu l'extrait du film, Carla Sylvie. Oui, même si je ne suis pas bonne en anglais, parce qu'il y a une citation en exergue du roman, c'est l'aventure de Madame Muir. Ouais. Et oui. Il faut raconter juste un peu l'histoire, parce que c'est une femme qui décide de vivre avec un fantôme. Ouais. C'est-à-dire, elle va occuper une maison hantée. D'ailleurs, c'est un des films les moins connus de Mankiewicz. C'est un des moins connus, mais je crois que c'est un de ceux que les cinéphiles adorent. Et moi, je l'ai découvert assez tard. Et c'était pas parce que voilà, c'était pas forcément mon préféré de Mankiewicz, mais ce qui m'avait fasciné, c'est que quand même, il se passe. En gros, effectivement, c'est l'histoire d'une femme qui va tomber amoureuse d'un fantôme, mais c'est pas le fantôme parce que c'est une veuve, mais c'est pas du tout le fantôme de son amour mort. C'est un fantôme qui hante une maison. Il est pas du tout méchant, il est pas du tout effrayant. Enfin, et toute cette façon de désamorcer quand même la peur et le romanesque. Et en même temps, c'est un grand film romanesque parce que c'est vraiment un film qui croit là encore dans le pouvoir de la fiction, c'est-à-dire en exergue, j'ai pas de mémoire sur ce que j'écris. Parce que je me souviens plus, j'ai cru que c'était une chanteuse. Mais c'est voilà, si les personnes existent, si on y croit, et il y a vraiment cette force-là dans le film. Et le film parle aussi beaucoup de la foi justement, et de se dire que jusqu'où ce qu'on croit existe vraiment. Et ce qui est très beau dans le roman, dans le film, c'est qu'à un moment elle pense qu'elle a tout inventé, et c'est sa fille des années plus tard quand elle revient qui lui dit mais si moi je le voyais aussi, ce fantôme il existait. Donc ça, je trouvais ça très beau, à la fois cette foi dans les choses invisibles, et qu'en plus c'est aussi nos enfants qui peuvent nous remettre sur ce chemin-là. Comment vous écrivez, Claire Vassé? Comment vous inventez la fiction? Parce qu'on voit bien que vous partez de sentiments fortement ressentis, de situations vécues pour arriver à un récit romanesque. J'essaie toujours de... Là, c'était vraiment compliqué parce que, voilà, encore une fois, je voulais retrouver la force des sentiments très personnels et en même temps, voilà, en faire une vraie fiction. Et j'essaie toujours de partir de situations qui à la fois pourraient arriver à tout le monde, donc cette fameuse idée que le téléphone sonne et c'est le numéro d'une personne morte qui s'affiche, qu'est-ce qu'on fait? Ça, pour moi, c'était important. Donc oui, il y a vraiment ça. Et puis comment on écrit? Et puis de trouver une situation pour moi qui puisse avoir un petit côté fantastique et un petit côté pas thriller, mais de se dire voilà, quand même, c'est pas parce qu'on va faire quelque chose de psychologique ou de il y a quand même beaucoup d'introspection dans le roman, mais moi ce que j'aime aussi c'est voilà de jouer vraiment l'histoire et donc de ne pas ennuyer le lecteur, de ne pas voilà, de l'embarquer dans mes questionnements psychologiques et qui peuvent être aussi un peu des fois un peu noirs, mais comme il y a le plaisir, je l'espère, de la fiction, voilà, de vraiment lui permettre d'y accéder de façon avec du plaisir, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont je suis de plus en plus soucieuse. C'est édité chez La Teste. Où va le chagrin quand il s'en va, de Claire Vassé?